ciel quand je t'imagine t'es bien chez baby. Je ne pense qu'à toi quand tu es si près de moi. Ton esprit m'envahit, hanté par ces scènes qui bouleversent mon cœur, mon corps, ma vie, mon esprit, baby. Toutes les nuits je tu donnes de l'amour à ma plume et j'écris mon mal. Plongé dans ton cœur, c'est l'évidence. Tes yeux me fredonnent un air pour que j'y danse. Aujourd'hui je sais que la délivrance n'est pas loin, c'est vrai. Reste avec moi l'idée. Je vois. croyant que tu étais la mienne. Bye. Estava long time in a Libya. Que sei de novo. Mas a retenção se ina nada funciona. Ainda tem uma dívida de santo. Je ne sais même pas par où commencer, tellement ça me gêne. Le temps pour toi de récolter ce que tu sèmes now. Yo, arrête de prendre mon faux quand je suis avec toi et que jusque dans ma poche il saute. Arrête de toujours imaginer que je plaque. Et qu'à le goût du feu, j'ai forcément une bonne. C'est qui c'est Sonia? Mais qui c'est Sonia? Après c'est la nuit entière que je passe en insomnia. Touche plus à mon fonia, cette fille c'est pas Sonia. Question prise de deux, toi t'es plus vite que personne. Je résume, soupçonneuse, jalouse, trop bavarde. Comment tu veux que je me risque à des sentiments hasardeux? Heureusement que sur le plan, ton câlin t'es pas avare. Si mon bail t'obète ta chute avant que je te bazarde. Fais pas tricher pour des bye bye. Fais pas ton ciné si je me taille. Même si t'as mal jusqu'au ventre, je fais chanter ces guéros, mon gai gai. Fais pas tricher pour des bye bye. Pas ton ciné si je me taille. J'ai la technique qui te fouraille. J'ai ton chanté, c'est que l'on m'en aille. Je me donne en moi quitter tout de l'effet à l'effort. Je comprends vraiment pas tout ceci, n'est pour avouer tout tort. Mais ne reprends-moi s'il faut tout donner, si je m'en encore. On fait page blanche. On prend les mêmes et recommence. Je suis les gens, on s'insulte. je les vois se trahir par leur plaisir de me voir souffrir. Oh, oh, oh.

Say Elysia.

legal. Que coisa que o flau, tá maminta dao. Menina que esqueceu, nem se tá legal. Se por que de mim, pego me só pra mim. Se por que de mim, pego me só pra mim. Menina bonitinha, pra esquerda, pra direita. Menina bonitinha, boquinha pretinha. On s'en fout souvent, c'est vrai, aussi vrai que je mens. Quand je te dis, je ressens pour toi aucun sentiment. C'est la fierté qui parle, c'est pas le cœur. N'écoute pas ceux qui parlent, ce sont que des rageurs. Pour l'instant, tout se passe bien, y'a rien à signaler. Mais si demain ça dégénère, on va se séparer. Au sapé, et 5 milliers, saute ta boîte à bain. J'avais peur de te retrouver en train de souquer avec un salaud qui met des slips en soir que tu sentes ça le goût. Maintenant je t'ai quitté, je fais que regretter. Je prendrai même tes mensonges comme des vérités. Nina, je veux partager la richesse ou la pauvreté dont j'ai hérité. Nina, je veux partager tes sourires, tes fous rires, tes pleurs ou tes excès. Oh mos, mos, dans toutes les boîtes de nuit. Oh mos, mos. Je l'ai cherché toute la nuit, comme dans un labyrinthe où y'a pas de sortie. Looking at a music where I'm a celebrity, ah. Spread love, city to city, Africa, West Indies and Haiti. You're looking at a music world. I'm a celebrarian. Ah, spread love, city to city, Africa, West Indies and Haiti. You're looking at a music world. I'm a celebrarian. Ah, spread love, city to city, Africa, West Indies and Haiti. Elles ont envie de voyager. Elles sont parées pour changer. Est-ce que les autres pays comprennent ça? Toutes ces petits abats là. Elles ont envie de voyager. Elles sont parées pour changer. Notre relation a évolué. Allons de l'amour, passons par l'amitié. Je les souhaite et je prie, elles sont pouvoir espérer car réveiller. Je te lève, et puis tu me rejèves. Mais l'amour faut pas garder derrière nous, baby. Les mondes qui les freinent nous, hey yo. Tout ça parce que yo jaloux. Ça veut moi j'ai douté, baby. Ni l'amour à on est en tchop à moi. Mais même pas c'est que j'ai pensé. Ni nous des athées qui arrivent. Il faut le dire. Il faut le dire. Il faut le dire. Souffrir, lady, une question de fuir, notre relation de vie. Lorsque nos regards se sont croisés, je n'aurais jamais pensé t'enlacer. Lorsque nos regards se sont croisés, mes pensées sont restées inavouées. Avouées, mes sentiments me paraissaient sensés. Sensés, yeah, une histoire insensée. Baby, tu m'as fait souffrir, lady. Qu'est-ce que je fais? Notre relation doit vivre. Il faut le dire, baby. Tu m'as fait souffrir, baby. Qu'est-ce que je fais? Notre relation doit vivre. Thank you. faça uma viagem romântica na Antena Web. Às segundas-feiras, pelas 20h30, Ricardo Teodoro deixa-lhe romantismo no ar. Romantismo no ar. Às segundas, pelas 20h30, na Antena Web. Na Antena Web existe um espaço dedicado aos grandes nomes da canção portuguesa. Autores, compositores, cantores, instrumentistas e outros artistas têm o seu momento em Canto Português. Um programa dedicado ao melhor da canção lusitana. Canto Português. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 22, aqui na Antena Web. Aqui e além, por esse mundo fora, muitos escreveram e ainda escrevem verdadeiras palavras de ouro. Todas as sextas-feiras, na Antena Web, pelas 17h40, trazemos-lhe um pouco dessa extraordinária literatura. Com Luís Gaspar, Palavras de Ouro. Às sextas-feiras, pelas 17h40, aqui na sua Antena Web. Quadras. Uma quadra é composta por quatro versos. Os versos compõem poemas, os poemas originam músicas. E as quadras podem ser também épocas, períodos temporais. Tudo junto, nos juntem Quadras da Música, o programa da Antena Web que lhe permite ouvir um conjunto de melodias relacionadas com um determinado espaço da história da música internacional, mas sobretudo do panorama musical português. Quadras da Música, sexta-feira, às 5 da tarde, só aqui, na minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Antena Web dá-te música. Música. Maria, esta casa é senhor. E mais música. Antena Web. Musica es mirar hacia lo lejos dentro de ti mismo. La luz en un reflejo al fondo del abismo. felicidad del cielo azul. Esta vez mi pensamiento, mi inquietud, sin darme cuenta sé que todo en torno a mí, mi música es la danza regular de tu pecho respirando junto a mí, la fiesta de tus ojos siempre que me miras, tú y tu alegría cuando ríes, tú, tan solo tú, y la armonía que te mueve, te escucharé por ser tan solo para mí, por mí. Música es, música es, música es. Escucho ahora el ruido de la calle donde he nacido. Mi madre cuántas veces me ha convencido, pero es más fuerte el grito de libertad. Y bajo el cielo, el sol haciendo un guiño, hará que se acaloren esos niños que no se cansan de jugar al balón. Y luego escucho la lluvia y el viento. Es volver al ayer, es la magia que siento. Música de donde sales, de dentro de mí, es parte de mí. La siento en mí. Música es la ayuda que te falta. Voy a hacer cambiar las ideas de la gente, la mentalidad del que escucha y que no siente. Antes que esta tierra sea una gran fosa, y antes que la nada sea su grandiosa. Porque un mundo sin la música no puede nunca imaginarse. Porque en cada ser, en cada corazón, hay un latido de vida y de amor. ¿Qué música es? Música es. Música. looking for love in the strangest places. There wasn't a stone that I left unturned. Must have tried more than a thousand faces. And Upman was aware of the fire that burned in my heart. Road of my own, with the day.